Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule Radio. Mon nom est Luc Desormeaux et j'animerai encore une fois cette semaine cette belle émission sur l'automobile. Et pour se joindre à moi encore une fois, mon collègue et mon ami, le grand voyageur qui revient tout juste de la Californie, Monsieur Marc Bouchard. Salut Marc! Salut mon cher! Comment vas-tu? Oh, ça va très bien! Très très bien! Bon, super! Marc, t'es allé faire un tour en Californie. On va commencer l'émission assez rapidement. Comme j'ai dit la semaine dernière, c'est une deuxième émission que nous, on enregistre de fil parce que toi, le chanceux, tu es en vacances cette semaine. Donc, on a enregistré l'émission d'avance pour pouvoir donner une émission aux auditeurs. Mais toi, t'es allé essayer un véhicule en Californie. T'es allé essayer la nouvelle Mustang Bullitt. Ouais, ben en fait, ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles on fait l'émission cette semaine, même si je suis en vacances. C'est que j'avais pas le droit d'en parler la semaine dernière. Je suis allé la semaine dernière l'essayer à San Francisco et j'avais pas le droit d'en parler. Il y avait un embargo. Alors c'est pour ça qu'on vous en parle ce matin. Et honnêtement, écoute, faut que je te dise que j'ai trippé vraiment. Ok. Je suis un fan du film Bullitt. Si vous connaissez pas le film Bullitt avec Steve McQueen, vous connaissez certainement la poursuite qui dure 10 minutes qu'il y a à l'intérieur. C'est une poursuite avec un Dodge Charger noir. C'est un film qui date de 1968, qui a donc 50 ans cette année. Et il y a la fameuse Mustang Bullitt verte de Steve McQueen qui saute dans les rues de San Francisco. Donc, quand Ford a décidé de faire le lancement, ils l'ont fait dans les rues de San Francisco. J'étais excité comme une puce. Je l'ai dit, je le répète. J'étais super content parce que, un, j'adore San Francisco. Deuxièmement, je voulais essayer cette voiture-là et je trouvais vraiment, vraiment très cool l'idée d'aller là-bas. D'autant que, pour faire l'essai, bien sûr, on est allé sur des routes et tout. Et d'autre part, on est allé aussi faire le même parcours qu'ils ont fait dans la poursuite. Okay. Donc, on nous avait préparé une carte et on est allé là où il y a effectivement des différents éléments de la poursuite. Si vous allez donc sur mon blog, vous allez voir les photos. Elles ont été prises exactement au même endroit que Steve McQueen a roulé avec la voiture. On a-tu une scène avec la voiture qui touche plus à terre, par exemple? Puis, Non, là, okay. On n'avait pas le droit de le faire. Okay. C'est pas parce que j'ai pas voulu le faire, mais on m'a pas donné vraiment la permission. Bon. Ceci étant dit, on a eu aussi beaucoup, et ce lancement-là était vraiment tout entier placé sous le signe du 50e anniversaire et de la nostalgie. C'était assez, assez cool. Vraiment. Okay. Quand on est arrivé, on nous a amené dans un endroit qui s'appelle le Candy Store, qui est un espèce de club privé pour les collectionneurs de voitures. Okay. Alors, il y avait là-dedans des voitures absolument spectaculaires, des vieilles voitures, là, des voitures vintage, et il y avait la nouvelle Bullitt, bien sûr, la Mustang Bullitt 2019, mais il y avait aussi la Bullitt 1968 qui a servi pour le tournage du film. J'imagine une des voitures qui a servi. Il y en a deux qui ont servi. OK. Juste deux? Juste deux. OK. Quand même pas pire. Et c'est ça. Et celle-là, c'était une des deux. Donc, écoute, inutile de dire que j'avais un petit coulis de bave sur le plancher devant la voiture. Ouais. Mais on est allé beaucoup plus loin que ça. Et ça, il faut que je donne à Ford. Ils ont vraiment fait un effort. Ils ont joué la carte vintage à tout point de vue. Tellement qu'ils nous ont, entre autres, quand on était à le Candy Store, donc on nous avait préparé un snack pour qu'on parte sur la route. C'était des bonbons. Et c'était les vieux bonbons, là. Tu sais, les Sweethearts, puis ces affaires-là, là, des affaires qu'on ne trouve plus vraiment, ben eux autres avaient réussi à en trouver pas mal, et ça a été vraiment cool, donc ça faisait partie des affaires vintage. Ils sont allés tellement loin que le lendemain matin, au petit déjeuner, plutôt que de nous offrir un jus d'orange traditionnel seulement, on nous avait aussi offert du Tang. Oh, OK. Écoute, moi, je ne sais pas si ça faisait combien de décennies que j'avais pas bu de Tang. Je pensais que ça n'existait plus. Ouais. Mais en tout cas, fait que, ils ont vraiment joué la carte. Nostalgie. Là. Nostalgie, là. Bon, ceci étant dit, évidemment, tout ça pour tourner autour d'un véhicule qui est la Mustang Bullitt. Mustang Bullitt 2019, elle va être produite pendant 2 ans seulement, 2019-2020. Ce qu'elle avait fait la dernière fois aussi. Exactement. On dit que c'est une édition limitée, mais elle n'est pas limitée en nombre. Elle est limitée uniquement dans le temps. Okay. Donc, s'ils en ont besoin d'un million cette année, ils vont en faire un million, mais ils n'en feront plus après 2020. Okay. Elle est disponible en deux couleurs, ce que je n'ai pas tout à fait compris d'ailleurs. Parce que la Bullet originale, elle était verte. Donc, elle est bien sûr disponible du vert Bullet, mais elle est aussi disponible en noir. Ouais, comme la dernière fois. On va rechercher ce qu'on avait fait 2008-2009, si je me rappelle bien. Ouais, mais même que 2008-2009, on avait une autre couleur. C'est pas bleu, je pense. La Bullet, c'était deux couleurs. C'est noir ou verte. Bon, en tout cas, je sais que là, c'est noir ou vert. Évidemment, tout le monde a choisi la verte quand on avait eu le choix. Il y avait une noire, puis je pense pas qu'elle roulait beaucoup. Là. Ouais, tout le monde voulait la verte. Ce que là, on a fait, c'est qu'on n'a pas... C'est une Mustang GT, OK? C'est essentiellement la Mustang GT que l'on a un petit peu tunée, un petit peu peaufinée. On a augmenté la puissance de 20 chevaux avec 480 chevaux, 420 livres-pieds de couple. Évidemment, boîte de vitesse 6 rapports, vraiment super précise. Le levier de vitesse, ben, c'est la petite boule blanche, qui a l'air d'une boule de billard, là, qui est comme traditionnellement ce qu'il y avait sur la Bullet, ça c'est gardé. On a joué la carte au niveau physique, bien sûr, on lui donne une allure. Il y a un logo Bullet en arrière, c'est pas mal le seul qui est visible à l'extérieur. Donc, c'est vraiment, on joue une carte un peu physique, mais on n'a pas tant modifié la mécanique. Là où on a joué beaucoup, c'est au niveau du système d'échappement, par exemple, et de la sonorisation du moteur. On a vraiment voulu aller chercher exactement ce que l'on retrouvait dans la Bullet originale au niveau de la sonorité. Et pour être tout à fait honnête, ça y ressemble pas mal. On s'est promené dans les rues, on s'est promené dans la banlieue de San Francisco et il y a entre autres un endroit où il y a un tunnel long de plusieurs centaines de mètres. Je me suis comme senti obligé de me mettre sur le neutre puis de rincer le moteur un peu, les fenêtres baissées, pour être sûr d'entendre le moteur assez fort à mon goût. OK, c'était pas une option, fallait que ça se fasse. Non, c'était comme, ouais. On suivait un camion en plus, fait que j'ai laissé de la place au camion, je me suis mis sur le neutre et là, je rinçais le moteur juste pour le plaisir de la chose. Alors, c'est vraiment, c'est assez spectaculaire comme voiture. L'intérieur, les sièges, une des options, ce sont des sièges Recaro, donc des sièges qui t'offrent un peu plus de support au niveau sportif, bien entendu. Mm-hmm. Mais dans l'ensemble, les autres sièges sont aussi extrêmement confortables. Bien sûr, tout ce que tu retrouves à l'intérieur de la Mustang GT, là, incluant le système multimédia et tout ce qui vient avec. Bref, on n'a pas réinventé la roue. C'est vraiment une édition spéciale numérotée, si tu veux, de la Mustang Bullet. Elle est très, très, très, très cool. Sincèrement, moi, j'ai trippé comme un enfant parce que c'était vraiment, comment je pourrais dire, l'expérience de conduite qui valait aussi le détour. Moi, j'ai capoté là, littéralement avec ce véhicule-là. C'est probablement la Mustang la plus cool que j'ai conduite. On a eu aussi l'occasion de la conduire dans des conditions, je dirais, plus difficiles, plus exigeantes. C'est-à-dire qu'on était sur une petite route qui mène dans un endroit qui s'appelle Stinson Beach. C'est une route qui fait 15 km de long. 13 km de long pour être précis. Et si tu as mal au cœur, tu ne la prends pas. Parce que tu veux pas être là comme passager parce que ça brasse, ça tourne, ça monte, ça descend. C'est vraiment particulier. C'est assez particulier comme conduite. Mais la voiture s'est super bien comportée. Quand on la met en mode sport, il y a même un mode piste, évidemment, là. Donc, on est capable à ce moment-là d'avoir un véhicule qui est très, très spectaculaire dans sa tenue de route et dans son comportement. Alors, dans l'ensemble, c'est vraiment quelque chose de très cool. On le fait pour ça, pour avoir une édition spéciale, pour avoir une motorisation spéciale, parce que c'est 20 chevaux, pour avoir surtout la sonorité. Moi, je te répète, enchanté de la musique à mes oreilles. C'est difficile, mais comme je te dis, on n'a pas réinventé la roue, là, ne cherchez pas toutes les particularités d'un nouveau. Non, c'est pas ça. On a gardé sensiblement ce qui se fait, y compris tous les systèmes de sécurité embarqués, tous les systèmes qui sont déjà là en place chez Ford, que l'on connaît bien, c'est déjà là. Bien sûr, tu as un tableau de bord numérique avec l'écran 12 pouces. Ça, c'est intéressant. T'as la transmission. Ah, ce que j'ai oublié de te dire. La transmission manuelle, t'as ce qu'ils appellent le rev matching, la correspondance de régime. Mm-hmm. Ça veut dire que quand tu rétrogrades, elle fait d'elle-même le talon pointe. Et honnêtement, ça vient jouer encore avec la sécurité. Fait que c'est vraiment, vraiment le fun. Bien sûr, c'est des freins Brembo qui sont faits et qui sont extrêmement puissants, qui sont capables d'arrêter la voiture littéralement comme si tu l'avais arrêté d'un mur de briques. Là. c'est aussi puissant que ça. Mais pour le reste, ben, on est directement dans la Mustang GT avec un bon système de son, avec le système Ford Pass qui est disponible. Comme je te l'ai dit, les systèmes Les sièges Recaro qui sont optionnels. Tu as des fonctions de sécurité qui sont là, système d'alerte d'angle mort, des trucs comme ça. Tu as les quatre échappements qui sont vraiment magnifiques et qui font vraiment un beau, beau travail. Tu sais, honnêtement, là, c'est une voiture. Je sais que toi, tu es vendu Mustang, là. Ben, un peu moins, je dirais, maintenant que je l'étais avant. J'aimais beaucoup la dernière génération. J'aimais beaucoup. Je trouvais que, tu sais, pour 2013-2014, la dernière génération, Ford avait atteint pas mal le côté design, côté mécanique et tout ça, c'était pas mal l'apogée de la Mustang. Puis j'ai encore de la misère aujourd'hui avec la nouvelle ligne de la Mustang, là, j'avoue. Mais j'ai encore une place dans mon cœur pour ce véhicule-là, c'est sûr et certain, là. Mais je te dirais que c'était plus peut-être autant qu'avant dans la dernière génération. C'était vraiment... Personnellement, si j'avais une Mustang à m'acheter, ça serait une Mustang de l'autre génération des dernières années, là, que plus qu'une nouvelle encore, là. Mais... Ouais, ben moi, je suis obligé de te dire que la Bullitt a un peu gagné mon cœur, notamment justement à cause de sa sonorité. Puis à cause de ce qu'elle représente aussi. Oui, c'est une icône de l'automobile. Là. Oui, clairement. Et j'ai vraiment eu l'impression en quelque part, de faire partie de l'histoire de la Mustang en allant tester cette voiture-là dans les rues de San Francisco. Pour moi, ça a été absolument une expérience là, incroyable. Et tu sais, écoute, c'est sûr que tu sais, c'est San Francisco. Là. On est arrivé là, il y a du brouillard partout, il y a du trafic partout. Il a fallu se lever à 5h30 le matin pour aller rouler dans la ville si l'on voulait être capable de franchir le même circuit que M. McQueen parce que, évidemment, il y avait trop de trafic. Et il y a un détail dont je n'étais pas parlé, c'est qu'on a eu une conférence d'un réalisateur hollywoodien qui a réalisé, entre autres, The Rocketeer, que tu connais peut-être, probablement. Oui, un flop. Bon. Un mais flop oui. Monumental, oui. Mais bon, il a réalisé The Rocketeer et d'autres choses. Et lui, c'est un fan fini de Steve McQueen et un fan fini de Bullitt. Et il nous a présenté des trucs qui sont vraiment particuliers, sur des photos de tournage, entre autres, des choses comme ça, incluant les anecdotes un peu particulières du film. Par exemple, je suis sûr que tu sais déjà ça, mais quand tu regardes la fameuse poursuite, tu vas te rendre compte qu'il dépasse 4 fois la même Beetle verte. Ouais. Ouais. Bon, ça, c'est parce que tout simplement, ils avaient mis des caméras différentes sur les voitures et ils ont repris la scène à différents endroits. Donc, elle est là. Tu remarqueras que le Charger perd 8 capes de roue. Ouais, ouais, bon, c'est ça. Évidemment. Tu sais, à un moment donné, il en perd 4, puis tu le vois de côté, puis il en reste encore. Ouais, bon. Ouais, c'est ça. Mais dans ce temps-là, c'est parce qu'il faut dire aussi dans ce temps-là, c'est que il n'y avait pas de vidéo à la maison. Hein, fait que le monde. Étaient tous les réalisateurs puis les studios étaient comme regarde, le monde va aller voir ça au cinéma, ils vont être embarqués dans l'histoire, ils s'en apercevront pas, puis personne va jamais le remarquer. Parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas la mentalité de ah oui, mais un jour, on va l'avoir à la maison, puis on va pouvoir faire une pause, puis regarder des scènes, puis on va pouvoir remarquer ça. Fait qu'il n'y avait pas cette mentalité-là. Donc, dans les vieux films, il y a plein d'erreurs comme ça. T'as un film de James Bond où la voiture rentre de côté dans une... C'est une Mustang aussi. Rentre de côté dans une ruelle, puis roule sur deux roues, puis quand elle sort, elle est sur les roues opposées, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais c'est des choses non, ben que... Ça arrive souvent, là. Mais tu vois, lui, il disait que ça a été vraiment particulier parce que la poursuite de Bullitt a été tournée en temps réel, bien sûr. Ouais. Ou presque. Ça a pris 2 semaines de tourner ces scènes-là. Ils ont fermé les rues pendant 2 semaines. Le son des moteurs a été enregistré sur une piste de course à Willow Spring et non pas évidemment en direct. Et dans la majorité des cas, c'est Steve McQueen lui-même qui conduit. Okay. Mais si vous regardez comme il faut la poursuite, quand c'est lui qui conduit, vous voyez son reflet dans le rétroviseur. Okay. Quand c'est pas lui, le rétroviseur est tourné dans un autre angle. Pour pas qu'on le voit. Pas qu'on le voit. Et vous remarquerez que quand on voit pas le Steve McQueen en question, ben il a pas la même montre non plus. Okay. Ouais. Alors, c'est plein d'affaires comme ça. Alors, le gars nous a raconté des anecdotes comme celle-là, vraiment particulières. Ça a été vraiment une expérience. Bien au-delà de la seule voiture, ça a été vraiment une expérience. J'ai adoré l'idée. Voilà, j'ai trippé San Francisco, j'ai trippé sur la Bullitt. C'est bien. Ce qui est bien de la Bullitt, c'est son absence de logo. Il n'y a pas de Mustang, il y a juste Bullitt en arrière. C'est ça, c'est très, très, qu'on pourrait dire, sleeper, comme voiture, là, tu sais, ça, c'est pas flashant comme voiture, la calandre totalement noire et tout ça, fait que ça fait un peu spécial, mais bon, tu sais, c'est une des éditions spéciales parmi les plein d'autres éditions spéciales qu'il va avoir jusqu'à temps que Ford rechange encore le modèle dans quelques années. La prochaine. Oui, mais je l'aime, celle-là. Ouais, je sais, mais la prochaine va vraiment être quoi, la Mach 1? parce qu'il y a une couple d'années qu'il y a des rumeurs comme quoi que la Mac 1 va faire un retour. Fait qu'on va passer la Bullet. Oui, probablement. Mais 2000... là, moi, ce que j'espère, c'est que FCA va emboîter le pas pour le 50e anniversaire et qu'ils vont sortir le Charger Bullet. Ah, ça pourrait être intéressant. Charger complètement noir. Oui, je retiens pas mon souffle, mais ce serait intéressant quand même. Ce serait très cool comme idée. Ouais, ouais. Puis, faut dire, Bullet, c'est pas un super bon film. C'est un film qui est correct. C'est la poursuite qui a fait que ce film-là est devenu une icône. C'est juste qu'on n'avait jamais vu ça, une poursuite. Un si longue, puis si bien filmé aussi, là. Non, c'est pas un mauvais film, là. Mais c'est pas un super bon film non plus. C'est un film qui est correct, là. Mais c'est la poursuite qui est vraiment comme. Qui sort le film du lot, un peu, là. Mais c'est intéressant. Super. Donc, là-dessus, je vais aller un peu calmer ma jalousie parce que moi, Ford ne m'a pas invité pour aller essayer. Hey, écoute, ça s'est décidé, il faut que je le dise, là. Je n'étais pas supposé aller là du tout. Et c'est simplement parce qu'il y a eu une cancellation d'un de nos collègues journalistes. Le dimanche après-midi, j'ai eu un appel pour m'inviter pour partir le lendemain matin à 8h et je suis revenu le mardi soir. Alors, c'est vraiment là, in and out, là. C'est dur de dire non, hein. Ah oh non, mais ça, écoute, j'étais à genoux devant la fille pour dire merci, là. C'est bon. Donc, Marc, on va faire une pause, puis on va revenir avec le dernier bloc qui va être nos essais de la semaine. Effectivement. Nous sommes de retour, et Marc, c'est l'heure de nos essais de la semaine qui va également être notre dernier bloc cette semaine. Tu vas nous parler d'un véhicule amusant à conduire, assez intéressant, une des rares véhicules de sa catégorie. Le Subaru BRZ RS, c'est quoi ça, RS? C'est une des éditions, en fait, qui est sortie par Subaru. C'est une, je pourrais dire, c'est une version qui est strictement esthétique. Il n'y a rien de changé au niveau de la mécanique, il n'y a rien de changé au niveau de... Puis même qu'on a sorti une version TS, okay. qui est le plus haut de gamme, mais encore une fois, c'est strictement esthétique. Okay. On ne change pas du tout la motorisation sur ces véhicules-là. Moteur 205 chevaux, 2 litres H4, là, les fameux moteurs à plat boxer de Subaru. Mm-hmm. 156 livres-pieds de couple. Ça n'a pas de couple. C'est le grand défaut de ce véhicule-là, malgré la boîte manuelle qui est intéressante, malgré la tenue de route qui est absolument spectaculaire. Ça n'a pas de couple. C'est une catastrophe incroyable. C'est bien plate parce que j'ai eu l'occasion de conduire cette voiture-là sur toutes sortes de routes au fil des derniers mois, des dernières années. Et honnêtement, c'est ce qui manque. On aimerait avoir ce petit côté oomph-là un peu qui nous permettrait là, d'accélérer de façon un peu plus brutale quand on en a besoin. Et c'est vraiment pas le cas. Ouais. Ben les gens demandaient une version, mais les fans demandent une version WRX de ce véhicule-là depuis des années. Mais on revient en disant « Ouais, mais le véhicule se vend pas, donc ça vaut pas la peine qu'on mette le développement pour créer un WRX, mais les gens attendent un WRX avant de l'acheter, fait que c'est un peu l'œuf ou la poule, là. C'est que les gens l'achètent pas parce qu'ils attendent quelque chose de plus, mais la chose de plus vient pas parce que la voiture se vend pas. Mais pourtant, c'est un véhicule qui est hyper agréable à conduire, comme tu dis, mais oui, ça manque cruellement de... Les reprises sont pas incroyables, puis même le 0-100 est pas... Mais c'est sur des petites routes sinueuses que cette voiture-là prend tout son sens, là. 0-100, 7.6 secondes, selon le manufacturier, là. Ouais. Tu sais ce que ça veut dire. Je là, pense que je fais le 0-100 plus vite avec ma Leaf. Ouais, c'est ça. C'est comme. Comme je dis toujours, c'est pas un chronomètre, ça va prendre, c'est un calendrier bientôt là, pour ce genre de véhicule-là. Ouais, mais quand même, c'est pas 7 secondes, c'est pas désastreux. Là. J'exagère, oui, mais regarde le look sportif de la voiture. Ouais. Regarde à quoi on s'attend, puis on est vraiment pas là. On est vraiment, vraiment pas là. Mais c'est un peu comme le Veloster chez Hyundai. C'est un véhicule qui a l'air hyper agressif, mais pourtant. T'sais, dans sa version de base, en tout cas à sa sortie, c'était loin d'être sportif comme comportement. Là, heureusement, ils ont sorti une version turbo après, chez Subaru, on ne l'a pas fait. Non. C'est dommage parce que c'est d'abord le seul véhicule qui n'est pas à rouage intégral chez Subaru, il faut le préciser. Ouais. Et c'est un petit véhicule qui, honnêtement, est tellement agréable à conduire. Mm-hmm. Il y a quelque chose dans cette voiture-là. Oui, c'est bas. Oui, l'accès à bord n'est pas nécessairement facile, surtout quant à mon tour de taille, même si mon tour de taille a diminué au fil des mois. C'est pas plus facile d'en ressortir, évidemment. Les places arrière, c'est même pas une place arrière, je veux dire. Ma femme a de la misère à rentrer sa sacoche sur le siège en arrière, fait que j'ose même pas imaginer rentrer des passagers. Tu sais, ça, là, c'est pas fait pour ça. Mais tu regardes la voiture, elle a de la gueule, elle est belle, elle a du style. Tu embarques là-dedans et t'as envie de la conduire. Mais ça me fait un peu penser à la Mazda MX-5. C'est pas mal le même type de voiture dans leur comportement, c'est que c'est des voitures qui sont pas... les accélérations sont pas grisantes, mais c'est un coup que tu conduis la voiture que c'est là que ça devient amusant, là. Effectivement. Ouais. Et c'est vraiment... C'est toute la sensation de conduite. Il y a quelques deux, trois ans, on était allé dans la région de Tofino pour aller conduire cette voiture-là. Et il y a vraiment une route là, entre Nanaimo et Tofino. Il y a vraiment une route qui est absolument spectaculaire. J'en ai parlé l'autre fois quand on a parlé de la Cura RDX. Mais conduire la BRZ sur cette route-là, c'était en soi une expérience. Parce que tu as l'impression de conduire un go-kart, ouais, qui t'amène vraiment là, dans des recoins de ce que tu es capable de faire, que tu ne t'attends pas d'être capable de faire. Ouais. OK? Donc, c'est vraiment une voiture qui est assez spectaculaire et que moi, j'aime vraiment beaucoup. Écoute, pour le reste, tu sais, pas grand-chose à dire, là. Système de son tout à fait correct. C'est une sportive qui est pas très dispendieuse. On parle de 32 000 $ ou à peu près dans la version Sportec RS. Donc, c'est la version la plus, je dirais, une des versions les plus équipées à part la TS. Tu sais, si tu vas la chercher en version de base, elle est encore moins chère que ça. Tu sais, sauf que, bon, du point de vue motorisation, je te l'ai dit, il y a aucun changement entre une version et l'autre. Ouais. C'est une auto que moi, j'adore tout simplement. C'est une auto que j'aime beaucoup. Elle aurait intérêt à avoir quelques chevaux de plus. Pas nécessairement quelques chevaux de plus. Plus de couple, je te dirais. Ouais. C'est plus ça, moi, qui m'agace. Mais si c'était le reste, pour le reste, écoute, j'ai rien à redire. Bien insonorisé, c'est le fun. Elle n'a pas un gros son. Faut avouer que c'est pas un gros son de grosse méchante sportive. Mais dans l'ensemble, c'est un véhicule qui est vraiment, vraiment le fun. Ouais, c'est un véhicule que j'avais conduit il y a quelques années. Moi aussi, ça fait quand même un petit bout de temps. Puis je l'ai trouvé vraiment agréable. C'est un véhicule qui est vraiment joli. Puis c'est une des sportives préférées de ma conjointe, là. Elle a vu, elle, c'est la version Toyota qui a... parce que Toyota a sa version, là. C'était la FRS dans le temps, c'est la Toyota GT maintenant, orange, puis vraiment... Ou la 86, ça dépend du pays où tu es. Ouais, c'est ça, dépendant du pays. Puis elle l'avait vu en orange, puis vraiment, c'est un véhicule qui l'avait marqué. Elle trouvait tellement belles les lignes et tout ça. Fait que c'est un véhicule qui sort du lot, puis il y en a beaucoup, ces routes au Québec. C'est quand même surprenant. J'en croise au minimum une à deux par jour. Donc, c'est un véhicule c'est qui s'est bien vendu ici. Non, puis c'est pas tellement cher. C'est pas cher. C'est ça. C'est ça l'idée, là, tu sais. Pour le design et tout ça, le look de la voiture, c'est presque une aubaine. Mais oui, ça prendrait un petit peu plus de couple. Pas de puissance en chevaux, ça, c'est correct. Non, non. Le 200 chevaux, on s'en servira jamais au maximum sur nos routes. Mais un petit peu de couple pour donner des petites sensations quand on veut faire un départ un peu plus performant, là, ça serait agréable. Effectivement. Puis toi, je pense que tu vas nous parler d'une Mazda. Ben oui, hey, comment as-tu deviné? Moi, je vais vous parler du Mazda CX-5, donc le VUS intermédiaire chez Mazda, qui est un véhicule que j'ai toujours beaucoup apprécié. Ça faisait longtemps que je l'avais pas conduit. Et puis, c'est un véhicule comme pour les autres véhicules Mazda, c'est un véhicule qu'on on ressent le plaisir de conduire, même si c'est un VUS, on a cette petite sensation de voiture sportive dedans. C'est vraiment intéressant de voir que Mazda est capable de rendre même un VUS qui devrait être quelque chose d'ordinaire à conduire quand même agréable. Puis ça, comme je l'ai dit la semaine passée, ça se ressent dans d'autres véhicules. Dans quelques semaines, je vais vous parler du CX-9, puis c'est pareil dans le CX-9, là. Fait que c'est un véhicule qui est intéressant. C'est un véhicule qui est joli, qui a une allure agressive. J'aime le redesign de la calandre. Ça donne une allure encore plus agressive au véhicule Mazda. On aurait travaillé, même le logo est comme encastré dans un plastique maintenant, au lieu d'être juste comme collé sur la calandre. C'est comme ouais, il est comme inséré dans un morceau de plastique, ce que je trouve bien. Visuellement, là, j'ai vraiment rien à redire sur ce véhicule-là. C'est vraiment magnifique. C'est pareil pour l'intérieur. La finition intérieure est superbe. Encore système de divertissement problématique. J'ai de la misère avec le système de molette et C'est un écran tactile. Un écran tactile rendu, à l'arrêt. Ouais. C'est rendu un de tes tocs. Quand tu as une voiture pour une semaine, tu le remarques un peu moins parce que tu t'en sers un peu pendant une semaine. La semaine d'après, tu passes avec un autre constructeur, un autre véhicule, puis tu reviens avec ce constructeur-là dans quelques semaines, dans quelques mois. Tu te rappelles pas nécessairement de tout ce que tu as eu comme petit problème, des choses comme ça. Tandis que quand c'est d'une semaine à l'autre, puis tu t'aperçois que dans chaque véhicule que tu essaies, c'est sensiblement les mêmes problèmes, ben là, tu t'aperçois que c'est systémique. C'est pas nécessairement, c'est ce véhicule-là, j'ai eu de la misère avec le Bluetooth dans un véhicule. Ah, ben c'est juste ce véhicule-là, le prochain était correct, C'est pas nécessairement. Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est parce que ça me fait plaisir de te taquiner. OK, c'est correct, t'as le droit. Et tu t'en vas, de toute façon, t'es en vacances cette semaine, théoriquement. Là. Fait que. C'est ça. Moi, dans le fond, je suis pas là, là. Dans le fond, t'es pas là. Tu me parles d'outre-tombe. Ben non, dans c'est vacances, outre-tombe. Ça serait un peu sombre, là, mais c'est ça. Voilà, donc, le système de divertissement, encore une fois, problème de connexion Bluetooth, mais faux problème de connexion Bluetooth, c'est-à-dire le téléphone se connecte, mais le système n'a pas l'air à détecter qu'il est connecté. Tu sais, utiliser le système, la roulette, tu as une espèce de roulette pour le son, tu as une roulette pour faire tes sélections. L'écran est tactile à l'arrêt, mais plus tactile un coup tu roules. Donc, tu sais, il faut dire, OK, là, je t'ai arrêté, je peux utiliser l'écran tactile, ça vaut beaucoup mieux. Tandis que quand tu roules, ben là, faut que tu utilises la molette. Beaucoup de constructeurs ont l'air à oublier aussi le fait que parfois on a des passagers, puis que si moi, j'ai pas l'autorisation de changer certaines choses à l'écran ou pendant que je roule, que peut-être que mon passager aimerait ça le faire, lui. Donc, oui, on essaie de protéger les gens en leur laissant pas utiliser certaines fonctions du système de son pendant qu'on roule, mais, tu sais, je veux dire, à un moment donné, faudrait peut-être ouvrir ça un petit peu, là. Donc c'est ça. Donc pour le reste, c'est un véhicule qui est très très confortable, qui est amusant à conduire et tout ça. Donc c'est un véhicule qui, encore une fois, vaut la peine d'être vu si vous magasinez quelque chose dans cette catégorie-là, parce que c'est amusant à conduire, c'est spacieux, grand coffre, deux moteurs, 2 litres, 2.5 litres encore. Prix de base, on est à 25 900 $. Le prix du modèle que j'ai essayé, ben là, on parle de 36 600, mais encore là, c'est le modèle le plus équipé. Si vous l'achetez rouge, cristal, parce que c'est une Moses de belle couleur. C'est vraiment la plus belle couleur, hein. C'est vraiment la messe de 6. La messe de 6 que j'ai dans mon entrée cette semaine est cette couleur-là. Puis ma femme n'aime pas le rouge normalement, mais ce rouge-là, elle dit il est écœurant, ce rouge-là. Là. Puis c'est vrai, c'est un des plus beaux rouges que vous avez jamais vu de votre vie, là, clairement. Il est très, très beau, là. Donc, Mazda CX-5, j'aurais aucun problème à rouler ce véhicule-là constamment. C'est vraiment intéressant. Puis on a réglé le problème de la palette de plastique parce que votre vitesse puis l'affichage tête haute est directement dans le pare-brise dans ce véhicule-là. Donc ça, c'est pas un problème. Tous les systèmes de sécurité, tout est là. C'est vraiment super. Bon véhicule, beau véhicule. Je vous donne ma bénédiction si vous désirez vous en acheter un. Donc, Marc, t'es un petit peu pressé. Donc, oui. On va terminer l'émission là. Si les gens veulent te rejoindre, comment font-ils cela? Ben, sur Facebook, c'est toujours la meilleure méthode. Sinon, sur mon blog, char.ca. Sinon, sur Twitter, Marc Souligné Bouchard ou Instagram, Bouchard Souligné Marc. Et bien sûr, info@saroulradio.com, qui est l'adresse courriel que l'on consulte tous les deux et à laquelle on répond tous les deux. Donc, évidemment. Puis, bien sûr, il y a la page Facebook aussi de Ça Roule Radio où on peut aller répondre à vos commentaires. C'est ça. Pour moi, sur Twitter, Scalazormo, sur Facebook, Luc Desormeaux, Ça Roule Radio, sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez nous écouter à travers iTunes, Google Play ou à travers des radios web, qui c'est sportradio.ca ou Radio Média Plus. Donc là-dessus, merci encore une fois, Marc, d'avoir fait cette émission cette semaine. Bonnes vacances, même si tu es dedans, puis par le temps que l'émission va être en ligne, tes vacances vont achever. Et puis, je dis merci beaucoup à tout le monde de nous avoir écoutés, puis on se dit à la semaine prochaine. Bye tout le monde. Bye bye.